farewell. Si pour moi t'as pas les deux bonheurs, quand t'as souri, faut ta refaire. Où t'es miroir, où t'es consolateur. Il n'y a pour moi doudou, fais mes cœurs. Mais n'a faut qu'elle, moi n'a faut qu'elle. Moi comme ça, nous toujours partager. Top le courrier, non j'aime. Top passé ou après mes prises.